Mache nan la ri ou pa wè tout moun ap pale de ou poutan gen lò bien remè sa brise mwen di la vi di chéri sou vre mistè deja son bagay pou bien kalkile un jour pètè pou ava konpran alors map nan don denye chans. A fè vie ou sa Toto Son set mache nan la ri Ou pa wè Tout moun a pale de Poutan Gen lò bien remè sa Rize Mwen di mè la vi Di chéri sou vre mistè Deja Son bagay pou bien kalkile Yon jou Pètè pou ava kompran Alors, map ma don dernier chance.